Exercice 2. A. Je ne le crois pas. B. Tu as tes clés? C. Ne le rappelle pas. D. Je ne sors pas tard. E. Quelle conclusion ?